بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات ربي وسلام عليه، ورضي الله عن صحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. أما بعد، Louange à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a comblés de six assises pour se rappeler mutuellement des points très importants qui sont très importants pour nous en ce qui concerne notre religion et en ce qui concerne notre soumission à Allah subhanahu wa ta'ala et notre suivi du messager alayhi salatu wassalam. أيها الإخوة الحضور، أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن على رسوله صلى الله عليه وسلم تبيانا لكل شيء، ووكل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس ما أنزل ربهم إليهم، كما قال سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالقرآن الكريم لا يستغنى به عن السنة أبدا. فمن الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى a descendu le Coran comme éclaircissement sur toute chose et il a délégué à son messager sallallahu alayhi wa sallam de clarifier le Coran aux gens. Dans le verset cité ici dans sa traduction approximative, il nous dit cela: et nous avons fait descendre sur toi le Coran afin que tu exposes clairement aux hommes ce qu'on a révélé pour eux et qu'ils réfléchissent. Donc, frère Allah subhanahu wa ta'ala, on ne peut pas se suffire du Coran. Le Coran a besoin de la Sunna. لماذا إخوة الإسلام لا بد للقرآن من السنة لأمور كثيرة منها إما أن تكون السنة مقررة ومؤكدة لما جاء في القرآن الكريم من الأحكام، وذلك مثل أمر الله تبارك وأمر الله تبارك وتعالى بالمحافظة على الصلاة والصيام والزكاة والحج، وجاءت الأحاديث تأمر بذلك كذلك، ونهى الله تبارك عن عقوق الوالدين وقطيعة الرحم وسوء الجوار، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قطيعة الرحم وعقوق الوالدين وسوء الجوار، فتأتي السنة تقرر ما جاء في القرآن وتؤكده، وكذلك تأتي السنة مبينة لأحكام جاءت في القرآن مجملة. قال سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. كم تصلي؟ كيف تصلي؟ ومتى تسر؟ ومتى تجهر؟ هل بين الله ذلك في القرآن؟ إنما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. وأنصبة الزكاة والمقادر الواجب إخراجها، هل بينها الله في القرآن؟ أبدا، إنما بينها سبحانه بينها الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته. كذلك الحج لمن استطاع إليه سبيلا، ما هي الاستطاعة؟ ومتى يجب الحج؟ وما هي المناسك؟ هل بين الله ذلك في القرآن؟ لا، إنما بينته سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. خيرون الله سبحانه وتعالى pourquoi on ne peut pas se suffire du Coran et laisser la sunna du côté. Pour beaucoup de choses, akhal islam, l'islam ne serait pas complet sans la sunna. La sunna vient approuver et confirmer les lois citées dans le Coran, comme par exemple l'ordre de préserver la prière, l'ordre de jeûner le mois de Ramadan, l'ordre de sortir la zakat, l'ordre de faire le pèlerinage. Hein? Ceci, il est Allah subhanahu wa ta'ala l'a ordonné dans le Coran. Les hadiths aussi ont ordonné cela, ont ordonné l'accomplissement de la prière, le jeûne, la zakat, le hajj. Donc, la sunna vient pour confirmer, hein, لا ce qui a été ordonné dans le Coran. Allah Azza wa Jal interdit dans le Coran la désobéissance et le mauvais comportement envers les parents et envers les proches. Hein? Il a interdit, subhanahu wa ta'ala, de couper les liens familiaux, ainsi que le mauvais comportement envers les voisins. Le messager sallallahu alayhi wa sallam dans sa sunna aussi a interdit cela. Tout ceci pour confirmer les lois qu'il y a dans le Coran. La sunna vient aussi, vient détailler le Coran. Certains jugements sont cités globalement dans le Coran. Comme dans les versets suivants, dont la traduction approximative nous dit cela, accomplissez la prière, acquittez-vous de la zakat, et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. Comment accomplir la prière? Et quand l'accomplir? Et quand il faut lire à voix haute? Quand il faut lire à voix basse? Combien d'unités il faut faire dans chaque prière? Est-ce que cela a été cité dans la parole d'Allah? Bien sûr que non. Mais il est bien détaillé dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Il en est de même pour le quota de la zakat. Il est part obligatoire à donner. Est-ce que cela est cité dans le Coran? Bien sûr que non. Mais cela est bien détaillé dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Il en est de même pour le hajj. Il est dit dans le verset, dans la traduction approximative, nous dit cela, c'est un devoir envers Allah pour les gens qui en ont les moyens pour venir, qui en ont les moyens pour venir à la maison sacrée, pour accomplir le pèlerinage. Le pèlerinage est obligatoire pour ceux qui en ont les moyens. C'est quoi les moyens? C'est quoi les moyens? Quand est-ce que le hajj est obligatoire pour la personne? Et c'est quoi le rite du pèlerinage? Est-ce que cela est détaillé dans la parole d'Allah? Bien sûr que non. Mais il est détaillé dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, clarifié dans la sunna qui est une révélation aussi. Hein? كذلك وإما أن تكون كذلك أحكام القرآن مبهمة وتأتي السنة فتفسرها قال سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم إلى أين تقطع يد السارق؟ إلى الرسخ؟ إلى المرفقين؟ إلى المنكبين؟ هذا مبهم. فقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد السارق إلى الرسخ فقطع الكف وحده. فعلمنا أن المبهم في قوله تعالى فاقطعوا أيديهما المراد به الكف فقط. وإما أن تكون أحكام القرآن مطلقة فتأتي السنة فتقيدها، وذلك مثل قول الله عز وجل في المواريث من بعد وصية يوصي بها أو دين. لم يحدد القرآن مقدار الوصية، فحدده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الثلث والثلث كثير، متفق عليه. وقد تأتي السنة مخصصة لعام القرآن، حكم عام في القرآن، فتأتي السنة فتخصصه. قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم، فأتت السنة فخصصت هذا الحكم واستثنت منه أشياء. فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه ابن ماجه وهو في صحيح الجامع ورواه الإمام أحمد، قال صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. جاء في الآية حرمت عليكم الميتة، فجاءت السنة فأخرجت ميتة الحوت وميتة الجراد. حرم عليكم الدم كذلك جاء في الآية، لكن جاءت السنة وأخرجت الكبد والطحال لأنه من الدم. فقول الله سبحانه وتعالى la sunna aussi vient préciser certaines lois. Les lois ne sont pas bien précisées dans certains versets. Certaines lois ne sont pas bien précisées. Et la sunna est venue pour les préciser et les clarifier. Comme dans le verset dans la traduction approximative du sens du verset qui nous dit « Du voleur et de la voleuse » couper la main en rétribution de leur forfait. Telle est la peine dissuasive prescrite par Allah. Et Allah est puissant et sage. Subhanahu wa ta'ala. Maintenant, on doit couper jusqu'où? Le voleur ou la voleuse, on doit lui couper la main jusqu'où? Jusqu'au poignet, jusqu'au coude, le bras, jusqu'à l'avant-bras, l'épaule, où est-ce qu'on doit couper? Rien n'est précis dans le verset. Le messager sallallahu alayhi wa sallam a précisé cela. Quand il a coupé jusqu'au poignet, et partant de là, de l'acte du messager alayhi sallam, on sait ce qui n'a pas été précisé dans le verset « couper la main », ce qu'il voulait avec, c'est tout simplement le poignet. C'est couper la main à partir du poignet, khlas. Ou alors aussi, la loi est absolue. Et c'était dans l'absolu. Elle est inconditionnée dans le verset. Et là, la sunna veut venir... Il va conditionner la loi. Comme dans le verset de l'héritage, où la traduction approximative nous dit ceci. Après exécution du testament et règlement des dettes, c'est-à-dire après exécution du testament du mort et règlement des dettes, à ce moment-là, on commence à partager entre les héritiers. Le Coran n'a pas limité la part du testament. Le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala l'a limité par le tiers. Dans le hadith authentique, où il a dit concernant le testament, le tiers et le tiers c'est beaucoup. Donc la sunna aussi spécifie le général du Coran, comme dans le verset où il est dit, dans la traduction approximative, il vous a été interdit de consommer le cadavre des bêtes. Toute bête morte. Hein? Toute bête qui n'est pas sacrifiée, il est interdite. Ainsi que le sang. Le sang, hein? Qu'on fait couler. La sunna vient ici pour faire l'exception de certaines choses dans ce texte général. Il vient éclater ce texte. Dans le hadith authentique, dans Sahih al-Jami', le messager a dit, il nous a été autorisé de consommer deux morts et deux sangs. Les deux morts, il a dit, alayhi salam, le poisson et les sauterelles. Quant aux deux sangs, c'est la foi et la rate. Donc dans ce texte général qui interdit les cadavres, la sunna est venue sortir deux individus. Hein? Le poisson et les sauterelles. Dans le sang, il est venu sortir deux individus aussi, la rate et le foie. فَالسُنَّةُ شَأْنُهَا شَأْنٌ عَظِيمٌ فَيَا الْمَصْدَرُ الثَّانِ مِنْ مَصَادِرِ التَّشْرِيعِ وَلَا غِنَى لِلْمُسْلِمِينَ عَنْهَا لا يمكن للمسلم أن يكتفي بالقرآن أبدا وأن يستغني عن السنة. وَالسُنَّةُ على المسلمين تجاه حقوق كثيرة منها أن يعظموها ويتمسكوا بها ويعضوا عليها بالنواجد وينشروها بين الناس وقد جاءت الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وأفعالهم تدل على ذلك لسنة فخير الله سبحانه وتعالى أمر قبل هذا وقد تجيء السنة كذلك بأحكام زائدة على أحكام القرآن قال تعالى في المحرمات من النساء وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف نهى الله تبارك وتعالى أن ينكح الرجل أختين معا في وقت واحد أما أن ينكح إحداهما بعد الأخرى فلا حرج لكن لا يجمع الرجل بين الأختين في وقت واحد فزاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها فقال صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. والحديث متفق عليه. أما أن يطلق المرأة ثم يتزوج عمتها فلا حرج، أو يطلق المرأة فيتزوج خالتها فلا حرج، أو يطلق المرأة فيتزوج أختها فلا حرج، أو تموت أختها فيتزوج الأخت فلا حرج، لكن لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة ولا وخالتها. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير، رواه مسلم. ونهى عن الحمر الأهلية، والحديث متفق عليه، وهذه محرمات لم تذكر في القرآن. لسنة وسي أمان وسي دلواء دي ججمو كي نسون باسيتي دون القرآن. Il est dit dans le verset concernant les femmes qu'on ne doit pas avoir comme épouse en même temps. Dans la traduction approximative du sens du verset, il est dit, il vous est interdit d'avoir pour épouse deux sœurs simultanément. Et ce qui a pu être fait dans le passé est pardonné. Allah Azza wa Jal donc a interdit d'avoir deux sœurs comme épouse au même moment. Mais la personne a le droit de se marier avec une après l'autre. S'il la divorce, il divorce la première, ou si la première meurt, il a le droit de se remarier avec sa sœur ou l'une de ses sœurs. Le messager a rajouté à cela que l'homme ne doit pas se marier avec la femme et sa tante maternelle et sa tante paternelle. Il ne doit pas les réunir au même moment. Ils lui sont interdits de réunir la femme, sa tante maternelle ou sa tante paternelle. Interdit pour lui de les réunir, de les avoir en même temps comme épouse. Il est dit dans le hadith qui est rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim, Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam a dit, on ne se marie pas avec la femme et sa tante maternelle et paternelle simultanément. L'interdiction, il est clair. Mais s'il divorce la tante et se marie avec sa nièce, il n'y a aucun problème en cela. Le messager interdit aussi la consommation de certaines bêtes qui ne sont pas citées dans le Coran. Il a interdit, comme il est cité dans le hadith rapporté par l'imam Muslim, de consommer toutes sortes de fauves qui ont des crocs et toutes sortes d'oiseaux qui ont des griffes. Cela n'est pas cité dans le Coran, mais la Sunna est venue pour l'interdire. Donc ce sont des interdits qui n'existent pas dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui existent dans la Sunna du Prophète alayhi salatu wasalam, qui est aussi une révélation min Allah azza wa jalla. فالسنه شأنها عظيم فهي المصدر الثاني من مصادر التشريع ولا غنى للقران عن السنه ابدا ولا غنى للمسلمين عن السنه ابدا وللسنة على المسلمين حقوق كثيرة، منها أن يعظموها ويتمسكوا بها ويعضوا عليها بالنواجذ وينشروها بين الناس. وقد جاءت الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وأفعالهم تدل على ذلك. السنة est d'une grande importance dans la vie du musulman et dans cette religion. C'est la deuxième source de la législation musulmane. Le Coran a besoin de la Sunna. Et les musulmans ne peuvent pas se séparer de la Sunna. Les musulmans doivent s'acquitter de certains devoirs vis-à-vis de la Sunna. Hein? Ils ne peuvent pas s'en passer de la Sunna. Impossible. Hein? Qu'ils puissent accomplir la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala sans la Sunna. Le premier devoir vis-à-vis de la Sunna, envers la Sunna, c'est de donner l'importance à la Sunna et de s'y cramponner fortement et aussi de la propager. Les preuves dans la parole d'Allah et dans les hadiths du messager alayhi salatu wasalam et dans les paroles et les actes des nobles compagnons d'Allah alim sont nombreux à ce niveau. فَالْأَدِلَّةُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَلَى تَعْظِيمِ السُنَّةِ وَالتَّمَسُّكِ بِهَا قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال تعالى وإن تطيعوه تهتدوا، وقال تعالى واتبعوه لعلكم تهتدون، وقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وحذر ربنا سبحانه وتعالى من مخالفة السنة فقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال سبحانه وتعالى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال تعالى يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. وقال تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فنحن لدينا بعض الآيات التي تثبت أهمية السنة et qui nous prouve le fait qu'il nous est obligatoire de donner l'importance à la sunna et de la respecter et de la mettre en application. Voici certains versets qui nous montrent cette importance et qui nous incitent et qui nous orientent à se cramponner fortement à la sunna. Dans le premier verset, il est dit, dans la traduction approximative du sens du verset, Dis-leur et à Mohammed. Donc le premier verset nous dit dans sa traduction approximative Dis-leur au Mohammed, obéissez à Allah et observez et obéissez au messager. Et aussi dans le même, dans l'autre verset il est dit si vous lui obéissez vous serez bien guidés. Dans l'autre verset dans la traduction approximative nous dit cela et suivez-le afin que vous soyez bien guidés. Donc la guidée, elle est dans la sunna. Et dans l'autre verset, il est dit, ce que le messager vous donne, prenez-le. Et ce qu'il vous a interdit, abstenez-vous-en. Allah Azza wa Jal nous a avertis contre eux le fait d'être en divergence avec la sunna de son messager, alayhi salam. Dans la traduction approximative du sens du verset cité ici, que ceux qui s'opposent à son ordre prennent garde qu'une épreuve ne les frappe ou que ne les atteigne un châtiment douloureux. Et dans l'autre traduction de l'autre verset, il est dit « Quiconque désobéit à Allah et à son messager s'est clairement égaré. » Donc l'égarement, il est dans le fait d'être loin de la sunna du prophète, alayhi sallam. Et dans l'autre traduction, il est dit « Le jour où leurs visages seront tournés de tous côtés dans le feu, ils diront « Et là, c'est seulement nous avions oublié Allah et au messager. Mais c'est trop tard, c'est fini. Et ils diront encore, Seigneur, nous avons oublié à nos chefs et à nos dignitaires, et ce sont eux qui nous ont égarés du droit chemin. Dans l'autre verset, il est dit, qu'en sera-t-il lorsque de chaque communauté nous ferons venir un témoin et que nous te ferons venir comme témoin contre eux? En ce jour, ceux qui n'ont pas cru et désobéis aux messagers souhaiteront que la terre les recouvre. Ils ne pourront rien cacher à Allah subhanahu wa ta'ala. وَالْأَدِلَّةُ مِنَ السُّنَّةِ عَلَىٰ تَعْظِيمِ السُّنَّةِ وَالتَّمَسُّكِ بِهَا كَثِيرَةٌ جِدًّا وَمِنْهَا عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذلفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي أي بطريقتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها عضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة والحديث صحيح رواه أبو داود وغيره. ويقول أنس رضي الله عنه وأرضاه جاء ثلاثة رهط إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا وأين نحن من نبي الله صلى الله عليه وسلم؟ فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم أما أنا فإني أصلي بالليل أبدا. ها؟ وقال الثاني أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال الثالث أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. وهؤلاء الثلاثة ما أرادوا إلا الخير. فلما جاء معلم الخير للناس وأخبر بخبرهم فقال عليه الصلاة والسلام أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لا أخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. والحديث متفق عليه. ففي هذا الحديث مفهوم السنة العام، فمن رغب عن سنتي. تأمل الآن بماذا ذكرهم؟ ذكرهم بأمر العقيدة، أخشاكم لله وأتقاكم لله، بعمل القلب ها، وبالعقيدة ذكرهم. وذكر بعدها العبادة، الصيام والصلاة، وبعدها ذكر أمور الدنيا، النكاح ها. وهذا المفهوم العام للسنة، هذه طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي قوله في حديث العرباض بن سارية عليكم بسنتي، أي بطريقة، هذا كذلك المفهوم العام لسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث الآخر يذكر فيه عليه الصلاة والسلام المفهوم الخاص لسنتي، وهو التمسك بالكتاب والسنة والعمل بهما، حين قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح تركت فيكم شيئين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يردا عليه الحوض، صلوات ربي وسلامه عليه. وقال صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء، رواه مسلم. ولكن لا يفهم من هذا الحديث أن الإنسان يأتي بشيء جديد أبدا، لكن يعمل بسنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام الناس فيتبعه الناس في تلك السنة. هذا مفهوم الحديث. Et donc les preuves qui ordonnent de donner l'importance à la sunna et de se cramponner à la sunna dans les hadiths du messager alayhi sallam, ils sont nombreux. Parmi ces preuves, nous avons le hadith de l'Irbad ibn Sariya, où le messager d'Allah, où l'Irbad ibn Sariya a dit, le messager d'Allah nous a exhorté par une exhortation pertinente qui a fait frémir les cœurs et qui a fait couler les larmes des yeux. Nous avons dit, ô messager d'Allah, c'est une exhortation de quelqu'un qui fait ses adieux, conseille-nous. Il a dit, alayhi salatu wassalam, je vous conseille de préserver les droits d'Allah et d'écouter et d'obéir, même si c'est un esclave qui vous gouverne. Celui qui vivra parmi vous verra beaucoup de divergences. Cramponnez-vous à ma sunna, c'est-à-dire à ma voix. Et à la sunna du khalif bien guidé, c'est-à-dire à la voix du khalif bien guidé, parce que la voix du khalif bien guidé, elle est identique à la voix des nobles compagnons du messager alayhi salatu wassalam. Et il a dit dessus, mordez dessus avec vos molaires et attention aux nouveautés, c'est-à-dire aux nouveautés dans la religion. Car toute innovation est un égarement. Le hadith, il est authentique chez Abu Daoud et d'autres. Et nous avons aussi le hadith d'Anas qui a dit trois hommes sont venus à la maison du prophète alayhi salatu wassalam pour poser des questions sur l'adoration du prophète alayhi salatu wassalam. Et quand on leur a décrit l'adoration du prophète alayhi salatu wassalam, ils ont estimé que c'était peu. Ils se sont dit, où sommes-nous par rapport au messager sallallahu alayhi wa sallam, à qui Allah subhanahu wa ta'ala a pardonné des péchés passés et des péchés à venir. L'un d'eux a dit, quant à moi, je vais toujours prier toutes les nuits. Il ne va pas dormir. Le deuxième a dit, je vais jeûner toute la vie. Il n'y a pas un jour où il ne va pas arrêter de jeûner. Et le troisième a dit, je ne vais jamais me marier. Hein? Regardez ces trois, qu'est-ce qu'ils veulent? Hein? Donc, quand on y réfléchit, nous, hein, ces trois n'ont voulu que le bien avec ce qu'ils ont dit. Hein? Mais combien de gens, combien sont nombreux ceux qui cherchent le bien et qui ne l'obtiennent pas, parce qu'ils se sont trompés de son chemin et de sa voie. Hein? Et regardez maintenant celui qui a été envoyé pour enseigner le bien à l'humanité entière. On lui a annoncé ce que ces trois ont dit, et il a dit, c'est vous qui avez dit ceci et cela? Il a dit, par Allah, je suis celui parmi vous qui craint et préserve plus que vous les droits d'Allah. Mais il y a des jours où je jeûne, et d'autres où je ne jeûne pas. Il y a des parties de la nuit où je prie, il y a d'autres parties de la nuit où je dors. Et j'ai des épouses. Celui qui se détourne de ma voie ne s'est pas affilié à moi, ou il n'est pas sur la même voie que moi. Le hadith, il est rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim. Regardez maintenant le rappel que rappelle le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Il leur a fait le rappel des actes du cœur et des croyances. Hein? Puis il a suivi ça, des actes d'adoration qui sont le jeûne et la prière. Puis il leur a rappelé le mondain, le fait de se marier et d'avoir des enfants et d'être en couple. Et donc, et il leur a dit, celui qui n'est pas sur cette même voie-là, il n'est pas sur la même voie que la mienne. Hein? Dans ce hadith, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a clarifié sur quoi? Sur la voie générale, sur sa voie générale, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Aussi dans le hadith de l'Ibad ibn Sariya, c'est la voie générale du prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, qui a été citée. Hein? Il y a un troisième hadith qui arrive, et ce hadith va nous orienter vers le sens spécifique de la sunna, qui est le fait de se cramponner au livre et à la sunna et de les mettre en application. Quand le messager alayhi salam a dit, je vous ai laissé deux choses, vous n'allez pas vous égarer si vous vous y cramponnez, le livre d'Allah et ma sunna. Ils ne se sépareront que le jour où ils me rejoindront vers le bassin. Et le hadith, il est authentique, il est dans Sahih al-Jami' et dans d'autres recueils. Et il a dit, alayhi salatu wassalam aussi, celui qui accomplit une bonne sunna dans l'islam, et qu'on le suive sur la pratique de ces sunna, et lui sera transcrit les récompenses de ceux qui la mettent en application sans rien diminuer de leurs récompenses. Le hadith, il est chez l'imam Muslim. Mais on doit faire très attention à la compréhension de ce hadith. On ne doit pas comprendre de ce hadith qui va ramener quelque chose de nouveau. Mais tout simplement, la personne va mettre en application une sunna confirmée par le messager alayhi salatu wassalam devant les gens, et les gens vont le suivre sur cette sunna. Et ce hadith, il a une cause. Des gens pauvres d'une tribu sont rentrés devant à la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam, et le visage du messager alayhi salatu wassalam a changé quand il a vu l'aspect de pauvreté sur eux. Et il a incité les gens à faire le monde. Et les gens ont commencé à ramener des trucs. Et un homme est arrivé avec un tas qu'il ne pouvait pas tenir avec ses bras. Des difficultés pour ramener ce qu'il allait ramener. Et il l'a posé devant le prophète alayhi salatu wassalam. Et c'est à ce moment-là, le visage du prophète alayhi salatu wassalam s'est illuminé. Hein? De quoi? De joie. Voilà, cet acte, il vient d'être accompli. Et il a dit, celui qui accomplit une sunna, hein, et que les gens le suivent sur ces sunna, il aura, leurs récompenses sont diminuées de la leur. Cet homme a été suivi par beaucoup de gens. Il y a eu un monticule de biens qui a été posé pour ces gens de cette tribu qui étaient dans la pauvreté. كذلك من أقوال الصحابة ومن بعدهم في التمسك بالسنة وتعظيمها أقوالهم وأفعالهم كثيرة. هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يقول: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، وإني لا أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. متفق عليه. علق ابن بطة في الإبانة على هذا بقوله: هذا يا إخواني الصديق الأكبر يتخوف على نفسه الزيغ إن هو خالف شيئا من أمر نبيه صلى الله عليه وسلم، فما دعاسى أن يكون من زمان أضحى أهله يستهزئون بنبيهم وبأوامره ويتباهون بمخالفته ويسخرون بسنته. نسأل الله عصمة من الزلل ونجاة من سوء العمل. ولو رأى ابن بطة ما نعيشه الآن العياذ بالله. وهذا الفاروق رضي الله عنه وارضاه حين أراد أن يقبل الحجر الأسود في مجمع الناس حج أو عمرة والناس كتر في الحرم، أراد أن يقبل الحجر الأسود علم الناس وأثار انتباههم إلى أمر عظيم ألا وهو أمر الاتباع. قال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. متفق عليه. توحيد اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كانوا أفضل البشرية على الإطلاق بعد الأنبياء والرسل رضوان الله عليهم. وهذا عثمان بن عفان رضي الله عنه قعد يوما على المقاعد أي مقاعد الوضوء، فتوضأ ثم دعا بطعام مما مسته النار فأكل منه، ثم قام إلى الصلاة فصلى، ثم قال عثمان: قعدت مقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قعدت مقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلت طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصليت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث حسن، وعند الإمام أحمد وفي الضياء وعند الضياء في المختارة. وعن علي رضي الله عنه وارضاه قال: كنت أرى باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما أي على الخفين، حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهرهما. والحديث صحيح رواه أبو داود. وعنه رضي الله عنه أنه قال في القيام للجنازة: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمنا وقعد فقعدنا. رواه مسلم. يعني أن الأمر بالقيام للجنازة عند مرورها منسوخ. قال: وقد قمنا حين قام وقعدنا لما قعد. وهذا هو عين الاتباع. كنت بقول et aux actes des nobles compagnons d'Allah et en ce qui concerne l'importance et la mise en application de la sunna, ils sont nombreux. Voici Abu Bakr, le véridique de cette communauté, qui dit: je ne laisserai rien que le prophète faisait sans le faire, et j'ai peur, si je délaisse quelque chose de ses actes, de dévier. Et j'ai peur, si je délaisse quelque chose de ses actes, de dévier. Et regarde combien parmi nous, il y a des choses qu'il peut faire qu'il les délaisse. Et regarde la peur qu'il avait à Abu Bakr, radiallahu anhu arda. Ibn Battah dans l'Ibana a commenté cette parole en disant: ô frère, le plus grand véridique a peur de dévier s'il diverge avec l'un des ordres où il délaisse quelque chose de la sunna de son prophète alayhi salam. Que pourra-t-on dire à une époque où les gens se vantent par le fait de se moquer de leur prophète et de se moquer de ses ordres et par le fait d'être en divergence avec lui, qu'Allah ne préserve de la déviance et des mauvais actes. Fin de citation d'Ibn Battah. Et Ibn Battah a vu ce que la situation dans laquelle sont certains parmi nous maintenant. Et comment on se moque du prophète alayhi salatu wasalam chez les musulmans, hein? Et comment on ne prend pas en considération sa sunna chez les musulmans, hein? L'ennemi d'Allah et le mécréant, il n'y a aucun bien à attendre de lui. Ouah, khlas, la ligne rouge, il l'a traversée. Avec sa mécréance, khlas, il a dépassé les limites. Tu ne peux rien attendre de lui. Sauf si Allah, subhanahu wa ta'ala, tourne son cœur. Mais dit-il, le fossé énorme qui existe entre la parole d'Abu Bakr, hein, et les paroles et les actes de certains de nos contemporains à l'islam, dont les esprits ne sont pollués que par la poubelle de la culture occidentale. Et avec ça, ils veulent les suprématies, ils veulent les honneurs, ils veulent, hein, l'iyadan billah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et voici aussi le Farouk, Omar radiallahu anhu arda. Il a voulu embrasser la pierre noire lors d'une grande rassemblée, que ce soit en Umrah ou en pèlerinage. Et il a donné une leçon à la communauté et à ceux qui étaient présents. Il a dit, par Allah, je sais que tu n'es qu'une pierre qui ne prodigue aucun bien et ne repousse aucun mal. Et si je n'avais pas vu le messager d'Allah t'embrasser, je ne t'aurais pas embrassé. Le hadith il est muttafaq alayhi. Accomplissement du monothéisme, accomplissement du suivi du messager alayhi salatu wasalam. C'est pour ça qu'ils sont les meilleurs de l'humanité après les prophètes alayhi salatu wasalam. Hein? Regardez la sunna, qu'est-ce qu'il et comment, hein? C'est suivi à la perfection. Hein? C'est ce qui leur a prévalu la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Regardez comment il tenait à enseigner cela à la communauté. Et que la communauté ne soit pas due en erreur. C'est une pierre, donc il a quelque chose. Non, abadan. Il a montré, il a attiré leur attention sur l'aqida et sur l'acte et la valeur de cet acte. C'est quoi cet acte? Cet acte n'est que le suivi du messager alayhi salatu wasalam. Et rien d'autre. Parce qu'il l'a vu embrasser, il l'a embrassé. Radiallahu anhu wa arda. Voilà Uthman ibn Affan, radiallahu anhu arda, qui donne aussi une noble leçon. Il s'est assis un jour, sur un tabouret parmi les tabourets qui se trouvaient dans la salle des ablutions. Et après avoir terminé le dos, il a demandé un repas qui vient d'être cuit. Il est encore chaud. Et il a mangé un peu. Puis il s'est levé pour la prière en disant, je me suis assis comme s'asseyait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et j'ai mangé comme il a mangé et j'ai prié comme il a prié. Et le hadith il est hassan, il est chez l'imam Ahmad, il est chez Diya dans le Mukhtara. Regardez, j'ai fait ce que le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam a fait. Et selon Ali radiyallahu anhu arda, dans le hadith authentique, l'athar authentique rapporté par Abu Dawud, Ali radiallahu anhu disait, je voyais que le bas des pieds, c'est-à-dire quand on fait l'essuyage sur le socote, que le bas des pieds, c'était là qu'il faut essuyer. Parce que la raison, il va vers où? La saleté, il est où? Il est en bas. Donc il voyait ça. Il dit, je voyais que c'était le bas qu'il fallait essuyer au lieu du haut, jusqu'à ce que j'ai vu le message d'Allah essuyer le haut. Hein? Cet attar, il a une grande importance. Les hommes de science le citent dans les livres de l'Aqidah. Tellement il est important pour nous montrer le suivi et pour nous montrer aussi la déviance de certaines tendances. Hein? Et selon Ali radiallahu anhu arda, qui a dit concernant le fait de se lever quand une janaza passe devant, il a dit le messager s'est levé et nous nous sommes levés avec. La janaza est passée devant nous, le prophète s'est levé, ils se sont levés aussi. Il s'est assis, c'est-à-dire un autre jour, une janaza est passée devant et ne s'est pas levé. Il est resté assis. Et nous sommes restés assis. Et le hadith, il est rapporté par l'imam muslim. Les hommes de science déduisent de cela que se lever quand une janaza passe devant a été abrogé. A été abrogé. Méditez maintenant, se suivez à la perfection. Nous nous sommes levés quand le messager s'est levé. Nous nous sommes restés assis quand il est resté assis. Ridwanullahi alayhim. وهذا ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه جاءت امرأة فقالت بلغني أنك تنهى عن الواصلة قال نعم قالت أي شيء وجدته في كتاب الله أم سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وجدته في كتاب الله وسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت المرأة لقد قرأت بين دفتي المصحف فما وجدت الذي تقول قال لو قرأتيه لوجدتيه أما قرأت قول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ألا وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الواصلة والواشمة والمتنمصة والحديث متفق عليه كأنه يقول لها لو تفهمت القرآن لفهمت ذلك منه وهذا الحسن البصري رحمه الله يقول السنة والذي لا إله إلا هو بين الغالي والجافي فاصبروا عليها رحمكم الله فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى وهم أقل الناس فيما بقي هم الذين لم يذهبوا مع أهل الترف في ترافهم ولا مع أهل البدع في بدعهم وصبروا على سنتي حتى لقوا ربهم فكذلك إن شاء الله فكونوا وهذا عمر بن عبد العزيز يكتب كتابا لرجل يقول فيه أما بعد أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وترك ما أحدث المحدثون فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة وهذا سفيان الثوري رحمه الله يقول استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء وهذا سفيان رحمه الله يقول لا يقبل قول إلا بعمل ولا يستقيم قول ولا عمل إلا بنية ولا يستقيم قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها وقال رجل لرجل إذا بلغك عن رجل بالمشرق أنه صاحب سنة فابعث إليه بالسلام وإذا بلغك عن رجل بالمغرب أنه صاحب سنة فابعث إليه بالسلام فقد قل أهل السنة والجماعة Et une femme est venue voir Ibn Mas'ud, que Allah subhanahu wa ta'ala les agrée. Il lui a dit, il m'a été annoncé que tu interdis le fait d'allonger les cheveux avec des faux cheveux. Hein? Il a dit, oui. La femme lui a dit, où tu as trouvé cela? Dans le livre d'Allah, où tu l'as entendu du messager alayhi salatu wassalam? Abdullah ibn Mas'ud lui a répondu, je l'ai trouvé dans le livre d'Allah et je l'ai entendu du messager sallallahu alayhi wa sallam. La femme lui a dit, j'ai lu ce que contient le Coran, je ne l'ai pas trouvé. Je n'ai pas trouvé ce que tu dis. Ibn Mas'ud lui a dit, si tu l'as vu, si tu l'avais lu, c'est-à-dire si tu l'avais compris, si tu l'avais bien médité, tu l'aurais trouvé. Et il lui a cité le verset. N'as-tu pas lu le verset qui dit, dans la traduction approximative, cela, ce que le messager vous donne, prenez, et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Et j'ai entendu le messager d'Allah interdire l'wasila, celle qui rallonge les cheveux des gens par des faux cheveux. Et celle qui tatoue aussi. Et c'est là qu'on fait le tatouage. Ah, tous. Celle à qui on le fait, tout est maudit dans le hadith. Et celle qui s'épile les sourcils aussi. Et le hadith, il est muttafaq alayh. Hein? Et voici maintenant le Hassan al-Basri, rahimahullah, qui disait, par Allah, la sunna est entre l'exagérateur et le laxiste. Patientez sur la sunna, car les gens de la sunna étaient peu nombreux dans le passé, et le sont encore plus dans ce qui reste. Les gens de la Sunna n'ont pas été emportés par la vague des gens fortunés, ils n'ont pas été emportés par les innovations, par les innovateurs et leurs innovations. Ils ont enduré et ont patienté jusqu'à la fin de leur vie. Ainsi vous devez être. Ainsi vous devez être. Si Allah subhanahu wa ta'ala le veut. Si Hassan al-Basri à l'époque, il est parmi tabi'in. Il dit ça. Qu'est-ce qu'on doit dire à notre époque? Et comment on doit encore plus encore plus la patience et l'endurance? Et voici Omar ibn Abdelaziz qui écrit une lettre à un homme en lui disant: ceci dit, je te conseille le fait de préserver les droits d'Allah et d'être modéré dans ses ordres et de suivre la voie de son prophète et de délaisser ce que les gens ont innové. Crampons-toi à la sunna par l'ordre d'Allah, c'est une protection pour toi. Hein? Regardez les conseils des plus prédécesseurs d'Allah alayhi. Et voici Soufiane Thaouri qui dit: soyez bons avec les gens de la sunna car ce sont des étrangers. Ce sont des étrangers. Hein? Comme il a dit Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam, l'islam a commencé étranger, il va redevenir étranger comme il a commencé. Hein? Et l'étrangeté maintenant, hein? La marginalité de la sunna, on la voit claire. Et la marginalité des gens de la sunna, on la voit claire à travers le monde entier. Hein? Celui qui se cramponne à la voie sur laquelle était le messager alayhi sallam et ses nobles compagnons, on dirait qu'ils descendent de Jupiter, hein, ou dans notre monde, hein. Et il a dit, rahimahullah, Soufiane Thaouri, aucune parole, aucun acte ne sera accepté, et aucune parole et aucun acte ne sera dans la droiture qu'avec une intention. Et aucune parole, et aucun acte, et aucune intention ne sera dans la droiture qu'en étant conforme à la sunna. Tout doit être, l'intention, les actes, les paroles, tout doit être conforme à la sunna du prophète, alayhi wasallam. Un homme a dit à un autre homme, si on t'annonce qu'un homme de la sunna existe dans l'extrême couchant, envoie-lui ton salam. Si on t'annonce qu'un homme dans l'extrême couchant et sur la sunna, envoie-lui ton salam. Et si on t'annonce que quelqu'un est là-bas à l'extrême orient et il est sur la sunna, envoie-lui ton salam. Car les gens de la sunna sont peu nombreux. Hein? ولقد كان الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم من الأئمة يجهرون بعداوة من يرد السنة وينكرها وكانوا يهجرونه في الله عز وجل ويمتنعون من كلامه ومن الأمثلة عن ذلك عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها فقال بلال بن عبد الله بن عمر والله لا نمنعهن قال سالم بن عبد الله فسبه عبد الله بن عمر سبا سيئا فما سمعته سبه مثله قط وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوهن وتقول والله لنمنعهن رواه مسلم وعن عبد الله بن المغفل أنه رأى قريبا له يخذف فقال له نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخذف هو هكذا تجعل حجر هنا وتجعل وترميها هكذا وقال إنه لا يصيد صيدا ولا ينكأ عدوا وإنما يكسر السن ويفقأ العين ثم لقيه بعد ذلك فرآه يخذف فاشتد غضبه عليه وقال أقول لك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف ثم عدت تخذف والله لا أكلمك أبدا متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يفتي بجواز التمتع بالعمرة إلى الحج فيقال له لكن أبا بكر وعمر يقولان بخلاف قولك فيشتد غضبه ويقول يوشك أن ترجموا بحجارة من السماء أقول قال الله قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر Et, créons Allah subhanahu wa ta'ala, les nobles compagnons et les imams de la science qui les ont suivis à la perfection déclaraient l'animosité à ceux qui rejettent la sunna du prophète alayhi wa sallam. Et ils les mettaient à la quarantaine. Ils refusaient de leur parler ou de leur rendre salam. Et les exemples sont nombreux. Parmi les exemples, selon Salim ibn Abdillah ibn Omar, Abdullah ibn Omar a dit un jour à ses enfants, j'ai entendu le messager d'Allah dire, n'interdisez pas à vos femmes d'aller aux mosquées quand ils vous demandent l'autorisation d'y aller. Bilal, son fils, a dit par Allah, on va leur interdire. Salim dit que Abdullah ibn Omar l'a insulté de façon que je ne l'ai jamais entendu insulter quelqu'un comme cela. Hein? Et qui c'est Abdullah ibn Omar? Il lui a dit, je t'annonce que le messager d'Allah a dit, ne leur interdisez pas, et tu dis, par Allah, on va leur interdire. C'est-à-dire, oui, parti, t'as raison. Le hadith, il est chez Muslim. Et dans le hadith rapporté par le Bukhari, le Muslim, Abdullah ibn Mughaffal, a vu un de ses proches lancer des pierres en mettant la pierre contre son doigt, et il tire le doigt vers l'arrière, il la lance comme ça. On le fait aussi avec des petits bâtons, là on fait avec des stylos aussi. Hein? Ça c'est ce qu'on appelle khadf. Khadf en arabe. Hein? A vu, donc, et dans le hadith rapporté par le Bukhari et le Muslim, Abdullah ibn Mughaffal, a vu un de ses proches lancer des pierres en mettant la pierre contre son index et en tirant l'index vers l'arrière. Et il lui a dit, le messager d'Allah a interdit le khadf. Interdit de lancer la pierre ainsi. Et il lui a dit que le khadf ne permet pas de chasser le gibier, il ne fait pas de mal à l'ennemi, mais il casse la dent et éclate l'œil, tout simplement. Et puis, plus tard, il l'a rencontré en train de faire le khadf. Il s'est mis en colère contre lui, en lui disant, je te dis que le messager a interdit le khadf, et tu continues à le pratiquer. Par Allah, je te parle plus jamais. Muttafaqun alayh. Khalas, l'affaire elle est terminée. Ce qui nous réunit, c'est la sunna et l'accomplissement de la sunna. Maintenant que toi, tu lui donnes le dos, khalas, c'est terminé. Et regardez avec quoi il coupe. Hein? Quand une sunna est transgressée, quand la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala est transgressée, c'est la limite, il n'y a plus rien. Abdullah ibn Abbas, donner une fatwa, la permission de faire tamattu. C'est-à-dire, tu fais ta umrah et après, tu te désacralises jusqu'à l'hajj. Et après, tu... Et c'est ce qu'on appelle tamattu. Et on lui a dit, mais Abu Bakr et Omar disent le contraire de ce que tu dis. Il s'y met en colère. Il s'y met dans une grande colère. Et il a dit, des prières vont bientôt vous tomber, vont bientôt tomber sur vous du ciel. Je dis, Allah a dit, le messager a dit, et vous me dites Abu Bakr et Omar. Il est rapporté par Ibn Abdelbar. Et qui c'est Abu Bakr et Omar? Cela n'a pas empêché Abdullah ibn Abbas de tirer la sunnette d'Allah. Attention, ici je vous dis, c'est la sunna. Faites attention à ce que vous dites. Hein? Et la sunna du prophète, sa parole et ses actes, il est au-dessus de tout. Regarde, même Abu Bakr, qu'est-ce qu'il a dit au début? Dans l'attar que nous avons passé. J'ai peur de dévier si je le laisse. Hein? Une sunna du messager, alayhi salatu wassalam. Hein? Eux-mêmes, ils t'appellent vers cela. C'est là maintenant, tu dis, mais moi je suis cher, la voix de l'imam Malik. Bien, écoute ce que dit l'imam Malik. Quand le hadith est authentique, c'est ma voix. Hein? Et l'autre, il te dit, je suis Shafi'i. Shafi'i, il te dit la même chose. Si il vous arrive un hadith authentique, et que mon opinion est en divergence avec ce hadith, je reviens dessus même après ma mort. Hein? L'imam Ahmed ibn Hanbal, il dit la même chose. Et tous les imams ont dit cette parole. Donc de dire que je suis maliki, tu suis, ça tient pas debout. L'imam Malik t'a ordonné de suivre la sunna du prophète, alayhi sallatu wassalam. Et tous les autres imams, parce qu'ils sont là, ils ont tout simplement transmis la sunna du prophète, alayhi sallatu wassalam, sa mise en application, et le respect du suivi de la sunna du messager, alayhi sallatu wassalam. فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين إنه ولي ذلك والقادر عليه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت